Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 107. Du langage des anges. Les anges se parlent, ils parlent à Dieu, les lieux ne font rien. La parole de l'un n'est pas connue de tous. 1. Un ange parle-t-il à un autre? Saint Paul disait, si je parlais les langues des hommes et des anges. 1 Corinthiens 13:1. Il y a donc un certain langage parmi les anges. Pour comprendre comment un ange parle à un autre, il faut considérer que, quand l'âme humaine veut s'appliquer à une chose qu'elle connaît habituellement, elle se parle à elle-même, aussi toute conception de notre esprit est-elle appelée la parole intérieure. Or, par là même qu'un ange veut transmettre une de ses pensées à un autre, il arrive qu'elle lui est immédiatement connue. De là vient que les anges parlent entre eux, car, parler à un autre n'est rien autre chose que lui manifester les idées que l'on a dans l'esprit. Note. Nos pensées intimes sont renfermées en nous par une double barrière, par notre volonté, qui ne veut pas les confier à la parole extérieure, et par notre enveloppe matérielle, qui les environne comme d'un mur. L'ange n'a pas à vaincre de si grands obstacles, il n'a pas besoin, comme nous, de la parole extérieure, il lui suffit de la parole intérieure. Par elle, il se parle à lui-même, et parle aussi aux autres, lorsqu'il veut leur manifester sa pensée. Aussitôt qu'il veut transmettre une idée à un autre, celui-ci la connaît. C'est par métaphore que l'on dit, le langage des anges. La langue des anges signifie simplement la puissance même qu'ils ont de manifester leurs pensées. Fin de la note. 2. L'ange inférieur parle-t-il à l'ange supérieur? L'ange inférieur peut parler à l'ange supérieur, quoiqu'il ne l'illumine pas. Toute illumination chez les anges est une parole, mais toute parole n'est pas une illumination. La vraie illumination consiste à manifester la vérité qui vient de Dieu, et non pas précisément une pensée propre en tant qu'elle vient de soi. Il importe peu à la perfection d'une intelligence de savoir les idées propres d'une autre, ce qui lui importe, c'est de connaître la vérité elle-même. Quand nous disons, par exemple, « je veux faire ceci, je désire savoir cela », la manifestation d'une telle pensée qui se rapporte à notre volonté propre ne saurait être regardée comme une illumination, elle reste une simple parole. Voilà pourquoi la manifestation des pensées qui concernent la volonté des anges peut aller de l'un à l'autre. Sous ce rapport, les inférieurs parlent aux anges supérieurs, et réciproquement. Note. On peut croire, avec saint Denis, que les anges inférieurs parlaient aux anges supérieurs dans ces paroles rapportées par David, quel est ce roi de gloire? Fin de la note. 3. Les anges parlent-ils à Dieu? Il est écrit, l'ange répondit à Dieu, et dit, Seigneur, Dieu des armées, jusqu'à quand n'aurez-vous pas pitié de Jérusalem? Zacharie 1, 12. Les anges parlent donc à Dieu. Ce n'est pas pour lui manifester quelque chose, c'est pour connaître sa volonté, qu'il désire accomplir, ou pour admirer sa majesté infinie, qu'il ne saurait comprendre. Note. Les anges parlent toujours à Dieu par la louange, l'admiration et la bénédiction. Quant aux œuvres qu'ils doivent accomplir, ils ne lui parlent que pour l'interroger sur les choses à l'égard desquelles il désire être éclairé. Fin de la note. 4. La distance des lieux fait-elle quelque chose à la parole des anges? Malgré la distance des lieux, le mauvais riche du fond de l'enfer parlait à Abraham. À plus forte raison, un ange peut parler à un autre ange sans que la distance du lieu l'en empêche. La parole angélique consiste effectivement dans une opération intellectuelle qui est indépendante des temps et des lieux. Notre intelligence elle-même sait en faire abstraction, elle n'en dépend que pour les images perçues, qui n'existent pas chez les anges. Note. La distance locale n'empêchant pas un ange d'en voir un autre, elle ne l'empêche pas non plus de reconnaître en lui une pensée qui lui est adressée. Le cri dont il est parlé dans Isaïe avait pour cause la grandeur de l'amour, et non la distance des lieux. Fin de la note. 5. La parole d'un ange à l'autre est-elle connue de tous? Si deux hommes ont le pouvoir de se parler seul à seul, les anges, à plus forte raison, peuvent se parler en particulier. Comme c'est par un acte de volonté qu'ils se manifestent leurs pensées, il est clair que leur volonté peut faire qu'une parole s'adresse à l'un et non pas à l'autre. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.